فالمذكر المخاطب المفرد l'interlocuteur masculin singulier ça va être anta zahabta طيب anta zahabta donc on a damir wa ta طيب ta c'est toi tu as été فهو ضمير متصل يصير الفاعل والجمع البلوريال طيب للمذكر والمخاطب سي انتم ذهبتم دونك الفاعل سي تم طيب تم كي سو جيري بار فو يصير الفاعل الان المؤنث بور فيمينا سي المفرد تو دير انت ذهبتي مع الكسره الفاعل سي الضمير متصل سي تي c'est-à-dire toi au féminin والجمع البلوريال المخاطبة المؤنثة tu vas dire أنتن ذهبتن طيب vous avez été vous les femmes c'est-à-dire et là le ضمير il est où تن طيب تن c'est le ضمير متصل et c'est le الفاعل المتكلم l'orateur celui qui s'exprime celui qui parle Il est mutlaq, il est mixte le domir. Juste, il se divise en jam et mufrad. Mais par rapport au genre, il est mixte. C'est le même domir pour les deux, pour l'homme comme pour la femme. Tu vas dire ana, pour mufrad, ana zahabtu. Taïeb, ana zahabtu. Donc là, le fa'il, c'est quoi le domir mutasil? C'est tu. J'ai été. Je suis allé. Wal jam, le mutakallim, c'est nahnu. Zahabna, c'est nous quoi en fait. Vous voyez, nahnu zahabna. Donc là, le damir, c'est muttasil et c'est na, et c'est l'ulfa'il. Très important, dans tous ces exemples qu'on a cités, le fa'il c'est le damir. Et tous ces damair et muttasila, ta, pour ce qui est du mukhatab, hein, le mukhatab, je parle du mukhatab. أنت ذهبت طيب أنتم ذهبتم أنت ذهبتي أنتن ذهبتن وأنا ذهبت سبل تاء الفاعل سدمير سبل تاء الفاعل طيب تاء الفاعل on a dit que تاء comme la lettre تاء طيب الجبهة تاثة تاء الفاعل C'est son nom. Et dans Nahnu Zahabna, le domir c'est Moutasil, c'est Na, il s'appelle Na al-Fa'ilin. Na al-Fa'ilina. Na, ouais, enfin on n'a pas de tableau ici. Na al-Fa'ilina. Et les autres, c'est des marlouf. Hum Zahabu, c'est Wal Jama'a. وهن ذهبنا سنن النساء ونن الناس الفاعلين Donc maintenant, Inch'Allah, on va appliquer et mettre en pratique ces dama'ir. Et Alhamdoulilah, il y a un nouveau. Mais c'est bien de répéter car cela s'ancre dans la mémoire. فيقول تمارين أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc il dit de combler les trous en utilisant le fi'l ذهب et en lui attachant le ضمير qui correspond. أين الطالب والجديد؟ أين الطالب؟ لا انظر ماشي مكتوب. الطلاب جدد. نعم. Où sont les nouveaux étudiants? كيف تقول؟ ذهبوا إلى المدير. نعم. Donc là on doit mettre quoi au الجماعة؟ ذهبوا إلى المدير. Au الجماعة il y a bien qui؟ طلاب. نعم. ثانيا. Alors نحن ذهبنا إلى الملعب. نعم. Nous avons été au terrain de jeu. Donc là ذهبنا c'est نال فاعلين il y a bien qui؟ نحن. ثالثا. أين ذهبت بعد الدرس؟ عفوا نعيد أين ذهبتم؟ نعم بعد الدرس؟ لا بعد بعد الدرس نعم يا إخواني نعم donc où avez-vous été après le cours oh mes frères donc là أَيْنَ ذَهَبْتُمْ طيب لَلْتُمْ il revient à qui à la base إخواني إخواني comme je t'avais dit à la base normalement le dhamma elle est précédé d'un ism mais là comme c'est une question avec munada le munada il est venu en dernier c'est parmi les choses qui font exception Rabian أذهبت إلى السوق اليوم يا أبي؟ نعم. As-tu été au marché aujourd'hui, ô mon père? Donc, أذهبت. طيب. C'est ta. Il revient à qui? أبي. نعم. أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم. نعم. Je n'ai pas été à la bibliothèque aujourd'hui. Donc, ذهبت. Tu يجي إلى من? إلى أنا. نعم. أنا. أمي ذهبت إلى المستشفى. نعم، أمي ذهبت إلى المستشفى. ما عيت إلى الوبيتال. إن الفاعل؟ أمي. كيف؟ ذهبت. أمي ذهبت إلى المستشفى. إن الفاعل؟ دم المستطيل. نعم، دم المستطيل تقديره هي. هي يرفيان كي أمي. سابعا. تفضل أذهبتن لزيارة لزيارة خالتكم خالتكم خالتكن خالتكن يا بناتي نعم avez-vous été visiter votre tante maternelle madame maternelle pour mes filles Donc là, Zahabtunna Tunna Yaji Aileman, vers qui il représente Benati. Benati. Thaminan. Zahaba Akhi ila al-Matari. Mon frère était à l'aéroport. Fazahaba, in al-Fa'il. Fa'il wa Akhi. Nam. Ahsant. Ah. Tasi'an. Ikhwati, Dahabu. Hein? أخواتي نعم. ذهبنا إلى الكلية. نعم. Mes sœurs ont été à la faculté. Donc ذهبنا la nous les niçois. Il revient à qui? Revient أخواتي. نعم. Mashiram. أذهبتي إلى المدرسة يا عائشة. As-tu été à l'école ou عائشة؟ فذهبتي لالتي يرجي إلى من؟ Non. Donc comme je t'ai dit là, il faut faire attention par rapport à ce que j'avais dit dans le ders, que le domir, voyez, le domir à la base, il vient pas tout seul sans avoir été éclairci par un isme zahir avant lui auparavant. Et là, on a trouvé des domaires qui viennent et le isme vient après. Et là, c'est des questions, c'est pas pareil. Voyez, el usluf il istifham yartalif. Mais là, d'origine, c'est qu'un domir, quand tu dis un domir, c'est que tu sais auparavant de qui tu parles. Il y a déjà eu une chose qui a démontré. Vers qui revient ce domir. Et ça, c'est une règle générale, elle n'est pas catégorique. Thanyan, akmil el jumel atiyata bi wad fi al madin munasib fi kul amakin il khaliya. Donc, il veut que tu combles les trous en mettant un verbe au passé dans les trous. Nam. Asami'at al adhan ya Muhammad. Nam, as-tu entendu l'adhan au Muhammad? Thanyan. نحن لعبنا انا ايوه اكيد نحن لا اي اي نحن لا اي انت قلت لا لعبنا لعبنا كم شربة نحن لعبنا كرة السلة اليوم اليوم nous avons joué au basket aujourd'hui ثالثا أغسلت قمصاني قم قمصاني ومناديلي يا أمي نعم as-tu lavé mes camises et mes mouchoirs ou serviettes ô ma mère رابعا كتب الدرس لا كتب المدرس الدرس على السبورة نعم le professeur étudie a écrit le cours sur le tableau. خامسا أنا فتحت باب الفصل باب الفصل بابا. باب الفصل وحامد وهشام وبلال فتحوا نوافذ نعم donc moi j'ai ouvert la porte de la classe et Hamid et Hicham et Bilal ont ouvert les fenêtres. سادسا أفهمت الدرس الجديد جيدا أيوة عيد يا بنات أفهمتن نعم. الدرس الجديد جيدا يا بنات نعم avez-vous compris correctement le cours ou les filles سابعا زميلتي زميلاتي زميلاتي جمع زميلة خرجوا خرجنا نعم لا خرجنا خرجنا من الفصل بعد الدرس بعد الدرس نعم ثامنا أقرأت القرآن بعد صلاة الفجر يا أبناء يا أبنائي لا هو الجملة الصحيحة تحفظها كويس أي حفيظ قرأت القرآن يا أبنائي يقول كذا يبقى يتدي بعد صلاة يتدي بعد صلاة بعد صلاة فأعيد الجملة أقول لا أقرأتم نعم القرآن نعم بعد الصلاة الفجر بعد صلاة الفجر نعم يا أبنائي نعم تاسعا أخي حفظ سورة الرحمن سورة سورة الرحمن نعم عاشرا لعن يبتدي تخوص كل فيها كيف نقول أبقي كي عن كي من دائر ديال تمام C'est bahatha qui veut dire chercher. أنا بحثت عن قلمي ولكن ما وجدته ولكني ما وجدته نعم j'ai cherché mon stylo cependant je ne l'ai pas trouvé حادي عشر من قتل هذه الحية نعم qui a tué ce serpent شربتي القهوة يا مريم نعم as-tu bu le café au مريم فايس عشر زملائي أكلوا الموز نعم وأنا أكلت العنب نعم mes camarades ont mangé la banane et moi j'ai mangé le raisin رابع عشر ضربت فاطمة بنتها بالعصا نعم فاطمة a frappé sa fille avec le bâton تمام NN, il va répéter ce qu'on a déjà dit nous-mêmes, en te donnant la mise en place ou la formation du fi'l avec le damir muttasil. Yakulta ammel mayali, mais dit ce qui va suivre. Quand il dit Zahaba, Masalen Mohamed Zahaba, il te dit Zahaba ou al fi'l. Zaid damir mustatir. وهذا الضمير المستطير ما هو هو الفاعل وهنا ضمير مستتر وهو ذهبوا يتدي سي ذهب طيب مع فعل يعني هو الفعل عفوا زائد واو وهذه الواو هي الفاعل ذهبت يقول ذهب هذا فعل ذهب زائد تاء التأنيث ساكنة وكنا دي تاء علامة التأنيث طيب سي ان سين ديمونترون لو كوتي فيمينان دو سوجي زائد ضمير مستتير وهو الفاعل طيب ايه الضمير المستتير فاعل و سي كوا ايسي سافيت هي ذهبنا سي لو فعل زائد نا ودنا كما كما اون لابلي نون نيسوا و نون الاناث لو لا بامي مي ان شاء الله نودي اي سو نون سي لو الفاعل ذهبت اي انت سي ذهب زائد تاء طيب هذه تاء on a dit que ça s'appelait comment تاء الفاعل tous les تاء que tu trouves dans le مخاطب s'appellent tous تاء الفاعل et ce تاء فاعل c'est lui le فاعل comme son nom le démontre ذهبتم c'est ذهب زائد تو et là il va te montrer quoi un truc qu'on n'avait pas encore pris au début qu'en fait en réalité dans ذهبتم le domir c'est tout tout seul c'est pas tum entier au début on a dit comme ça parce que on voulait simplifier la chose mais là il commence à détailler pour que tu saches bien chaque chose et quelle est sa place donc lorsqu'on dit ذهبتم en fait c'est ذهب avec tout فقط et c'est le فاعل et on a rajouté un mim après tout et ce mim c'est quoi علامة الجم c'est un signe du pluriel mais le vrai domir en fait c'est pas tout entier c'est tout tout seul voyez c'est tout tout seul ذهبتي c'est ذهب avec tel فاعل c'est تي et c'est le فاعل ذهبتن c'est ذهب avec tout comme ذهبتم le domir tout seul c'est tum c'est tout seulement et c'est le فاعل زائد نا طيب هنا سانون avec une شده avec une فتحه et ce نون avec une شده فتحه lui c'est علامه الجم c'est aussi un signe de pluriel mais moi de ce que j'ai appris c'est علامه الجم ou علامه الاناث c'est un signe de qu'il est féminin donc je sais pas si نعم بس كما جدا يبغي الخير ان شاء الله طيب ذهبت اي انا سي الفعل زائد تو اي سو تو سي تاء فاعل اي سي الفاعل طيب ذهبت اي انا وذهبنا فوا اتونسيون ان نو با كونفوند انتر انيسا ذهبنا ونحن ذهبنا سيلا لا مد اي ان ليف على فان parce que des fois on prononce en vite parce que on peut ne pas faire attention Mais Inch'Allah, avec le ma'asir kel-kalem, yufham el-maqsoud. C'est-à-dire, dans le cours de la parole, on peut déduire ce que la personne a voulu dire, mais il faut faire attention. Donc, zahabna, c'est zahaba, c'est le fiel. Zaid avec na, et ce nom, on a dit que ça peut comment ? Na el-fa'ilin. Ils l'ont pas mis, nous on l'a pris. Et c'est ce na, c'est le fa'il. Vous voyez, le na, c'est le fa'il. Donc, maintenant qu'on a pris ça, il te dit, rabi'an, ayyin el-fa'ila fima yali. Tu dois désigner le sujet, le fa'il, dans les verbes qui sont exposés en dessous. Kharajtu, en al-fa'il. Stu. Naam. Jalasna, en al-fa'il. Sina. Naam. Samirti, en al-fa'il. Ti. Shalabtunna, en al-fa'il. Attention. C'est tout. Naam. Et le noun, c'est eux, ils ont dit Alamat al-Jam. Moi, je me rappelle que c'était Alamat al-Mias. Dakhalu, en al-fa'il. واو ايوه واو جماعه حفظنا ان الفاعل نا نعم اكلتم ان الفاعل تو نعم والميم علامه الجمع فتح ان الفاعل ح فتح ضمير مستتر نعم تقديره هو اي سوزنتوندو هو فهمتن سي تو نعم Et le nun c'est alamat al-inas ou alamat al-jam comme ils ont dit. Katabta. Ta. Nam. Asalat. En al-fa'il. C'est. Sakina. Ta'nis. C'est le fa'il. Asalat. C'est damir mustatir. Aïe, attention. Là, le ta, c'est pas un ta fa'il. C'est pas comme tout outil ou ta. Il n'est pas pareil. Nam, c'est hiya. Damir mustatir. Takdiruhu hiya. La'ibu. والجماعة والجماعة دخل تمر مستطيع نعم تقديره ماذا هو هو ضربت سيدام المستطيع نعم طيب الآن يقول من الضمائر المتصلة parmi les domaires attachés tu as là il va te te faire un خلاصة de tout ce qu'on a pris un topo ce qu'on a pris التاء كما في Donc le ta comme dans مثلاً zahabta. Zamir muttasil. Zahabti, c'est un damir muttasil. Zahabtu, c'est un damir muttasil. Zahabtum, tu, c'est un damir muttasil. Zahabtunna, tu kadhalik, c'est un damir muttasil. Et également parmi les damir muttasila, waw wa jamaa. Kama fi comme dans zahabu. طيب. Également parmi les damir muttasila, nun et nun niswa. كما في كم دون ذهبنا أي النساء ذهبنا إنا طيب نا الفاعلين كما نقول كما في كم دون ذهبنا أي نحن ذهبنا كيس توس الفاعل et maintenant il dit تأمل ما يلي sache que le damir mustatir طيب les savants du nahou ils l'ont classé parmi les damir muttasila bien que ça peut pas être logique Parce que tu veux dire Zahaba ou dire ouais, c'est un damir munfasil, c'est pas muttasil. Tu vois. Et pourtant, eux, ils l'ont mis du genre d'une prisme muttasil. C'est comme ça. Vous voyez? Il est considéré comme un muttasil. Bien que, en apparence, on mettrait plutôt dans le munfasil. Naam. Naam. Naam. Taïb. أين حامد هو حامد تقول خرج كون صاد كما سا لا هو قد هو قد دو فاعل ان ابارنس اي كما اون ا دي لي هو لي لا سي ضمير مستتير طيب تقديره هو اي لوي كما اون ا دي انستان اون لو كلاس فامي لي ضمير المتصل طيب بيان سولا كونتروديز كو نو بور ايماجيني كوم ايتان كوم ايتان لوجيك مي سي ني با لو كا دونك هو ان فيت سي خرج C'est le fi'al. Et son fa'il, c'est damir mustatir. Thanyen, ça c'est le muzakkar. Taïb, Eina Hamidun. Ou le mouannath, Eina Aminatu. Taïb, Eina Aminatu. Où est Amina? On va dire quoi? Kharajat. C'est-à-dire, hiya. Donc c'est kharaja, c'est fi'al, avec ta'anis, ta, qui est alamat ta'anis, et son fa'il, c'est damir mustatir. Et dans le fi'al ma'adhi, le damir mustatir, on le trouve que deux fois. On le trouve qu'avec huwa et hiya. Ama, fi'al fi'al mudali, on peut trouver plus que ça. Voyez ? Quand tu as cool, adhab il masjid. Il est où le fi'al ? Ana, mustatir. Voyez ? Tadhab il masjid. Et dans le fi'al, damir mustatir, et anta. D'ailleurs, dans le Moudaliya, tu le trouves plus souvent que dans le Mardi. Le Mardi, tu vois que deux fois. Pourquoi? Parce que tous les autres, c'est des Moutassila, ils sont Moudjouda. Tu les vois, elles sont là. D'ailleurs, donc voilà, c'était ça le test d'aujourd'hui. Un Axwell? Non. D'ailleurs. Fa'anak tafibi'ada wa nakul wa alhamdulillahi rabbil alamin.